Papaloko! Se ou menm ki bon mason a wabali non pou mwen. Tan pri souple. Papaloko lwam nan neg ma ifade lwam nan. Se ou menm ki bon mason a wabali non pou mwen. Tan pri souple. Asomrele janmen bliye. Asomrele pa janm bliye la. Papa loko. Se ou menm ki bon mason a wabali non pou mwen. Tan pri souple. O kay mwen te ye, la kay la mrive. Nan peyi mwen ye, mwen te tande kando atire bon die wo. Moi, t'es rien. Moi, t'en décando à tirer. Bon, rivaille la main.